Livre cinquième, le parlementarisme. 1. Un jour, il y a 63 ans de cela, le peuple français, possédé par une famille depuis 800 années, opprimé par les barons jusqu'à Louis XI, et depuis Louis XI par les parlements, c'est-à-dire, pour employer la sincère expression d'un grand seigneur du XVIIIe siècle, mangé d'abord par les loups, et ensuite par les poux, parqué en province, en châtellenie, en bailliage et en sénéchaussée, exploité, pressuré, taxé, taillé, pelé, tondu, rasé, rogné et vilipendé à merci, mis à l'amende indéfiniment pour le bon plaisir des maîtres, gouverné, conduit, mené, surmené, traîné, torturé, battu de verge et marqué d'un fer chaud pour un jurement, envoyé aux galères pour un lapin tué sur les terres du roi, pendu pour 5 sous, fournissant ses millions à Versailles et son squelette à Montfaucon, chargé de prohibitions, d'ordonnances, de patentes, de lettres royaux, d'édits bursaux et ruraux, de lois, de codes, de coutumes, écrasé de gabelles, d'aides, de censives, de mains mortes, d'accises et d'excises, de redevances, de dîmes, de péages, de corvées, de banqueroutes, bâtonné d'un bâton qu'on appelait sceptre, suant, soufflant, geignant, marchant toujours, couronné mais aux genoux, plus bête de somme que nation, se redressa tout à coup, voulut devenir homme et se mit en tête de demander des comptes à la monarchie, de demander des comptes à la Providence, et de liquider ces 8 siècles de misère. Ce fut un grand effort. 2. On choisit une vaste salle qu'on entoura de gradins, puis on prit des planches, et avec ces planches on construisit, au milieu de la salle, une espèce d'estrade. Quand l'estrade fut faite, ce qu'en ce temps-là on appelait la nation, c'est-à-dire le clergé en soutane rouge et violette, la noblesse en panaché de blanc et l'épée au côté, et la bourgeoisie vêtue de noir, vinrent s'asseoir sur les gradins. À peine fut-on assis, qu'on vit monter à l'estrade et s'y dresser une figure extraordinaire. « Quel est ce monstre ?» dirent les uns. « Quel est ce géant ?» dirent les autres. C'était un être singulier, inattendu, inconnu, brusquement sorti de l'ombre, qui faisait peur et qui fascinait. Une maladie hideuse lui avait fait une sorte de tête de tigre. Toutes les laideurs semblaient avoir été déposées sur ce masque par tous les vices. Il était, comme la bourgeoisie, vêtu de noir, c'est-à-dire de deuil. Son œil fauve jetait sur l'assemblée des éblouissements. Il ressemblait aux reproches et à la menace. Tous le considéraient avec une sorte de curiosité où se mêlait l'horreur. Il éleva la main. On fit silence. Alors, on entendit sortir de cette face difforme une parole sublime. C'était la voix du monde nouveau qui parlait par la bouche du vieux monde. C'était 89 qui se levait debout et qui interpellait et qui accusait et qui dénonçait à Dieu et aux hommes toutes les dates fatales de la monarchie. C'était le passé, spectacle auguste, le passé meurtri de liens, marqué à l'épaule, vieil esclave, vieux forçat, le passé infortuné qui appelait à grands cris l'avenir, l'avenir libérateur. Voilà ce que c'était que cet inconnu, voilà ce qu'il faisait sur cette estrade. À sa parole, qui par moments était un tonnerre, préjugé, fiction, abus, superstition, erreur, intolérance, ignorance, fiscalités infâmes, pénalités barbares, autorités caduques, magistrature vermoulue, codes décrépits, loi pourrie, tout ce qui devait périr eut un tremblement, et l'écroulement de ces choses commença, cette apparition formidable, à laisser un nom dans la mémoire des hommes, on devrait l'appeler la Révolution, on l'appelle Mirabeau. 3. Du jour où cet homme mit le pied sur cette estrade se transfigura, la Tribune française fut fondée. La Tribune française. Il faudrait un livre pour dire ce que contient ce mot. La tribune française, c'est depuis 60 ans la bouche ouverte de l'esprit humain. De l'esprit humain disant tout, mêlant tout, combinant tout, fécondant tout. Le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le haut, le bas, l'horrible, le beau, le rêve, le fait, la passion, la raison, l'amour, la haine, la matière, l'idéal. Mais en somme, car c'est là son travail sublime et éternel, faisant la nuit pour en tirer le jour, faisant le chaos pour en tirer la vie, faisant la révolution pour en tirer la république. Ce qui a passé sur cette tribune, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a fait, quelles tempêtes l'ont assaillie, quels événements elle a enfanté, quels hommes l'ont ébranlé de leurs clameurs, quels hommes l'ont sacré de leurs paroles, comment le raconter? Après Mirabeau, Vergniaud, Camille Desmoulins, Saint-Just, ce jeune homme sévère, Danton, ce tribun énorme, Robespierre, cette incarnation de la vertu immense et terrible. Là, on a entendu de ces interruptions farouches. « Ah ça, vous !» s'écrie un orateur de la Convention. « Est-ce que vous allez me couper la parole aujourd'hui ?»« Oui, » répond une voix. « Et le coup, demain ?» Et de ces apostrophes superbes, « Ministre de la Justice !» dit le général Foy à un garde des Sceaux inique. « Je vous condamne en sortant de cette enceinte à regarder la statue de l'hôpital. » Là, tout a été plaidé, nous venons de le dire, les mauvaises causes comme les bonnes seulement, ont été gagnées définitivement. Là, en présence des résistances, des négations, des obstacles, ceux qui veulent l'avenir comme ceux qui veulent le passé ont perdu patience. Là, il est arrivé à la vérité de devenir violente et au mensonge de devenir furieux. Là, tous les extrêmes ont surgi. À cette tribune, la guillotine a eu son orateur, Marat, et l'Inquisition, le sien, Montalembert. Terrorisme au nom du salut public, terrorisme au nom de Rome, fiel dans les deux bouches, angoisse dans l'auditoire. Quand l'un parlait, on croyait voir glisser le couteau. Quand l'autre parlait, on croyait entendre pétiller le bûcher. Là ont combattu les partis, tous avec acharnement, quelques-uns avec gloire. Là, le pouvoir royal a violé le droit populaire, dans la personne de Manuel, devenu auguste pour l'histoire par cette violation. Là ont apparu, dédaignant le passé qu'ils servaient, deux vieillards mélancoliques, Royer Collard, la probité hautaine, Chateaubriand, le génie amer. Là, Thiers, l'adresse, a lutté contre Guizot, la force. Là, on s'est mêlé, on s'est abordé, on s'est combattu, on a agité l'évidence comme une épée. Là, pendant plus d'un quart de siècle, les haines, les rages, les superstitions, les égoïsmes, les impostures, hurlant, sifflant, aboyant, se dressant, se tordant, criant toujours les mêmes calomnies, montrant toujours le même poing fermé, crachant depuis le Christ les mêmes salives, ont tourbillonné comme une nuée d'orage autour de ta face sereine, ô vérité. 4. Tout cela était vivant, ardent, fécond, tumultueux, grand. Et quand tout avait été plaidé, débattu, scruté, fouillé, approfondi, dit, contredit, que sortait-il du choc? Toujours l'étincelle. Que sortait-il du nuage? Toujours la clarté. Tout ce que pouvait faire la tempête, c'était d'agiter le rayon et de le changer en éclair. Là, à cette tribune, on a posé, analysé, éclairé et presque toujours résolu toutes les questions. Question de finances, question de crédit, question de travail, question de circulation, question de salaire, question d'État, question de territoire, question de paix, question de guerre. Là, on a prononcé pour la première fois ce mot qui contenait toute une société nouvelle, les droits de l'homme. Là, on a entendu sonner pendant 50 ans l'enclume sur laquelle des forgerons surhumains forgeaient des idées pures. Les idées, ces glaives du peuple, ces lances de la justice, ces armures du droit. Là, pénétrés subitement d'effluves sympathiques, comme des braises qui rougissent au vent, tous ceux qui avaient un foyer en eux-mêmes, les puissants avocats comme Ledru-Rollin et Berryer, les grands historiens comme Guizot, les grands poètes comme Lamartine, se trouvaient tout de suite et naturellement grands orateurs. Cette tribune était un lieu de force et de vertu. Elle vit, elle inspira, car on croirait volontiers que ses émanations sortaient d'elle, tous les dévouements, toutes les abnégations, toutes les énergies, toutes les intrépidités. Quant à nous, nous honorons tous les courages, même dans les rangs qui nous sont opposés. Un jour, la tribune fut enveloppée d'ombre. Il sembla que l'abîme s'était faite autour d'elle. On entendait dans cette ombre comme le mugissement d'une mer, et tout à coup, dans cette nuit livide, à ce rebord de marbre où s'était cramponnée la forte main de Danton, on vit apparaître une pique portant une tête coupée. Boissy d'Anglas salua. Ce jour-là fut un jour menaçant. Mais le peuple ne renverse pas les tribunes sont à lui, et il le sait. Placez une tribune au centre du monde, et avant peu, aux quatre coins de la terre, la République se lèvera. La tribune rayonne pour le peuple, il ne l'ignore pas. Quelquefois, la tribune le courrousse et le fait écumer, il la bat de son flot, il la couvre même ainsi qu'au 15 mai, puis il se retire majestueusement comme l'océan, et la laisse debout comme le phare. Renverser les tribunes quand on est le peuple, c'est une sottise, ce n'est une bonne besogne que pour les tyrans. Le peuple se soulevait, s'irritait, s'indignait. Quelque erreur généreuse l'avait saisi, quelque illusion l'égarait. Il se méprenait sur un fait, sur un acte, sur une mesure, sur une loi. Il entrait en colère. Il sortait de ce superbe calme où se repose sa force. Il accourait sur les places publiques avec des grondements sourds et des bonds formidables. C'était une émeute, une insurrection, la guerre civile, une révolution peut-être. La tribune était là, une voix aimée s'élevait et disait au peuple « Arrête, regarde, écoute, juge, si forte virum quem conspexere silent ». Ceci était vrai dans Rome et vrai à Paris. Le peuple s'arrêtait. Ô tribune, piédestal des hommes forts. De là sortait l'éloquence, la loi, l'autorité, le patriotisme, le dévouement et les grandes pensées, frein des peuples, muselière de lions. En 60 ans, toutes les natures d'esprit, toutes les sortes d'intelligence, toutes les espèces de génies ont successivement pris la parole dans ce lieu le plus sonore du monde. Depuis la première constituante jusqu'à la dernière, depuis la première législative jusqu'à la dernière, à travers la convention, les conseils et les chambres, comptez les hommes si vous pouvez. C'est un dénombrement d'Homère. Suivez la série, que de figures qui contrastent, depuis Danton jusqu'à Thiers, que de figures qui se ressemblent, depuis Barère jusqu'à Baroche, depuis Lafayette jusqu'à Cavaignac. Aux noms que nous avons déjà nommés Mirabeau, Vergniaud, Danton, Saint-Just, Robespierre, Camille Desmoulins, Manuel, Foy, Royer-Collard, Chateaubriand, Thiers, Guizot, Ledru-Rollin, Berryer, Lamartine. Ajoutez ces autres noms, divers, parfois ennemis, savants, artistes, hommes d'État, hommes de guerre, hommes de loi, démocrates, monarchistes, libéraux, socialistes, républicains, tous fameux, quelques-uns illustres, ayant chacun l'auréole qui lui est propre, Barnave, Casalès, Maury, Mounier, Touret, Chapelier, Pétion, Buzot, Brissot, Sieyès, Condorcet, Chénier, Carnot, Langevinet, Pontécoulant, Cambacérès, Talleyrand, Fontane, Benjamin Constant, Casimir Perrier, Chauvelin, Voyer d'Argenson, Lafitte, Dupont, de l'Eure, Camille Jordan, Lainé, Fitz-James, Bonald, Villèle, Martignac, Cuvier, Villemain, les deux Lamette, les deux David, le peintre en 93, le sculpteur en 48, Lamarck, Mauguin, Odilon Barreau, Arago, Garnier-Pagès, Louis Blanc, Marc Dufraisse, Lamennais, Émile de Girardin, Lamoricière, Dufort, Crémieux, Michel de Bourges, Jules Favre, que de talents, que d'aptitudes variées, que de services rendus, quelle lutte de toutes les réalités contre toutes les erreurs, que de cerveaux en travail, quelle dépense au profit du progrès, de savoir, de philosophie, de passion, de conviction, d'expérience, de sympathie, d'éloquence. Que de chaleur fécondante répandue, quelle immense traînée de lumière. Et nous ne les nommons pas tous. Pour nous servir d'une expression qu'on emprunte quelquefois à l'auteur de ce livre, nous en passons et des meilleurs. Nous n'avons même pas signalé cette vaillante légion de jeunes orateurs qui surgissait à gauche dans ces dernières années. Arnaud, l'Ariège, Bancel, Chauffour, Pascal Duprat, Esquiros, De Flotte, Farcounet, Victor Hennequin, Madier de Mongeau, Morlaix, Noël Parfait, Pelletier, Saint, Versigny. Insistons-y, à partir de Mirabeau, il y a eu dans le monde, dans la sociabilité humaine, dans la civilisation, un point culminant, un lieu central, un foyer, un sommet. Ce sommet, ce fut la tribune de France, admirable point de repère pour les générations en marche, cime éblouissante dans les temps paisibles, fanal dans l'obscurité des catastrophes. Des extrémités de l'univers intelligent, les peuples fixaient leur regard sur ce fait où rayonnait l'esprit humain. Quand quelque brusque nuit les enveloppait, ils entendaient venir de là une grande voix qui leur parlait dans l'ombre. Admonet et magna testatur voce per umbras. Voix qui tout à coup, quand l'heure était venue, chant du coq annonçant l'aube, cri de l'aigle appelant le soleil, sonnait comme un clairon de guerre ou comme une trompette de jugement et faisait dresser debout, terribles, agitant leurs linceuls, cherchant des glaives dans leurs sépulcres, toutes ces héroïques nations mortes, la Pologne, la Hongrie, l'Italie. Alors, à cette voix de la France, le ciel splendide de l'avenir s'entr'ouvrait. Les vieux despotismes aveuglés et épouvantés courbaient le front dans les ténèbres d'en bas, et l'on voyait, les pieds sur la nuée, le front dans les étoiles, l'épée flamboyante à la main, apparaître, ses grandes ailes ouvertes dans l'azur, la liberté, l'archange des peuples. 5. Cette tribune, c'était la terreur de toutes les tyrannies et de tous les fanatismes. C'était l'espoir de tout ce qui est opprimé sous le ciel. Quiconque mettait le pied sur ce sommet sentait distinctement les pulsations du grand cœur de l'humanité. Là, pourvu qu'il fût un homme de bonne volonté, son âme grandissait en lui et rayonnait au dehors. Quelque chose d'universel s'emparait de lui et emplissait son esprit comme le souffle emplit la voile. Tant qu'il était sur ses quatre planches, il était plus fort et meilleur. Il se sentait dans cette minute sacrée vivre de la vie collective des nations. Il lui venait des paroles bonnes pour tous les hommes. Il apercevait au-delà de l'assemblée groupée à ses pieds et souvent pleine de tumulte, le peuple attentif, sérieux, l'oreille tendue et le doigt sur la bouche, et au-delà du peuple, le genre humain pensif, assis en cercle et écoutant. Telle était cette grande tribune du haut de laquelle un homme parlait au monde. De cette tribune, sans cesse en vibration, partaient perpétuellement des sortes d'ondes sonores, d'immenses oscillations de sentiments et d'idées, qui, de flot en flot et de peuple en peuple, allaient aux confins de la terre remuer ces vagues intelligentes qu'on appelle des âmes. Souvent, on ne savait pourquoi telle loi, telle construction, telle institution chancelait là-bas, plus loin que les frontières, plus loin que les mers. La papauté au-delà des Alpes, le trône du tsar à l'extrémité de l'Europe, l'esclavage en Amérique, la peine de mort partout. C'est que la tribune de France avait tressailli à de certaines heures, un tressaillement de cette tribune, c'était un tremblement de terre. La tribune de France parlait, tout ce qui pense ici-bas entrait en recueillement. Les paroles dites s'en allaient dans l'obscurité à travers l'espace, au hasard, n'importe où. Ce n'est que du vent, ce n'est que du bruit, disaient les esprits stériles qui vivent d'ironie. Et le lendemain, ou 3 mois après, ou 1 an plus tard, quelque chose tombait sur la surface du globe, ou quelque chose surgissait. Qui avait fait cela? Ce bruit, qui s'était évanoui, ce vent qui avait passé, ce bruit, ce vent, c'était le Verbe. Force sacrée, du Verbe de Dieu est sortie la création des êtres, du Verbe de l'homme sortira la société des peuples. 6. Une fois monté sur cette tribune, l'homme qui y était n'était plus un homme. C'était cet ouvrier mystérieux qu'on voit le soir, au crépuscule, marchant à grands pas dans les sillons et lançant dans l'espace avec un geste d'empire les germes, les semences, la moisson future, la richesse de l'été prochain, le pain, la vie. Il va, il vient, il revient, sa main s'ouvre et se vide, et s'emplit et se vide encore, la plaine sombre s'émeut, la profonde nature s'entr'ouvre, l'abîme inconnu de la création commence son travail, les rosées en suspens descendent, le brin de follavoine frissonne et songe que l'épi de blé lui succédera. Le soleil caché derrière l'horizon aime ce que fait cet homme et sait que ses rayons ne seront pas perdus. Œuvre sainte et merveilleuse. L'orateur, c'est le semeur. Il prend dans son cœur ses instincts, ses passions, ses croyances, ses souffrances, ses rêves, ses idées, et les jette à poignées au milieu des hommes. Tout cerveau, lui, est sillon. Un mot tombé de la tribune prend toujours racine quelque part et devient une chose. Vous dites « Ce n'est rien, c'est un homme qui parle. » Et vous haussez les épaules. Est-ce prise à courte vue? C'est un avenir qui germe. C'est un monde qui éclot. 7. Deux grands problèmes pendent sur le monde. La guerre doit disparaître et la conquête doit continuer. Ces deux nécessités de la civilisation en croissance semblaient s'exclure. Comment satisfaire à l'une sans manquer à l'autre? Qui pouvait résoudre les deux problèmes à la fois? Qui les résolvait? La tribune. La tribune, c'est la paix, et la tribune, c'est la conquête. Les conquêtes par l'épée, qui en veut? Personne. Les peuples sont des patries, les conquêtes par l'idée, qui en veut? Tout le monde. Les peuples sont l'humanité. Or, deux tribunes éclatantes dominaient les nations, la tribune anglaise faisant les affaires et la tribune française créant les idées. La tribune française avait élaboré dès 89 tous les principes qui sont l'absolu politique et elle avait commencé à élaborer depuis 1848 tous les principes qui sont l'absolu social. Une fois un principe tiré des limbes et mis au jour, elle le jetait dans le monde armé de toutes pièces et lui disait « Va ». Le principe conquérant entrait en campagne, rencontrait les douaniers à la frontière et passait malgré les chiens de garde, rencontrait les sentinelles aux portes des villes et passait malgré les consignes, prenait le chemin de fer, montait sur le paquebot, parcourait les continents, traversait les mers, abordait les passants sur les chemins, s'asseyait au foyer des familles, se glissait entre l'ami et l'ami, entre le frère et le frère, entre l'homme et la femme, entre le maître et l'esclave, entre le peuple et le roi, et à ceux qui lui demandaient « Qui es-tu ? » Il répondait « Je suis la vérité. » Et à ceux qui lui demandaient « D'où viens-tu ? » Il répondait « Je viens de France. » Alors, celui qui l'avait questionné lui tendait la main, et c'était mieux qu'une province, c'était une intelligence annexée. Désormais, entre Paris, métropole, et cet homme isolé dans sa solitude, et cette ville perdue au fond des bois ou des steppes, et ce peuple courbé sous le joug, un courant de pensée et d'amour s'établissait. Sous l'influence de ces courants, certaines nationalités s'affaiblissaient, certaines se fortifiaient et se relevaient. Le sauvage se sentait moins sauvage, le turc moins turc, le russe moins russe, le hongrois, l'italien plus italien. Lentement et par degrés, l'esprit français pour le progrès universel s'assimilait les nations. Grâce à cette admirable langue française, composée par la Providence avec un merveilleux équilibre d'assez de consonnes pour être prononcée par les peuples du Nord et d'assez de voyelles pour être prononcées par les peuples du Midi, grâce à cette langue qui est une puissance de la civilisation et de l'humanité, peu à peu, et par son seul rayonnement, cette haute tribune centrale de Paris conquérait les peuples et les faisait France. La frontière matérielle de la France était ce qu'elle pouvait, mais il n'y avait pas de traité de 1815 pour la frontière morale. La frontière morale reculait sans cesse et allait s'élargissant de jour en jour, et avant un quart de siècle peut-être, on eût dit le monde français comme on a dit le monde romain. Voilà ce qu'était, voilà ce que faisait pour la France la tribune, prodigieuse turbine d'idées, gigantesque appareil de civilisation, élevant perpétuellement le niveau des intelligences dans l'univers entier et dégageant, au milieu de l'humanité, une quantité énorme de lumière. C'est là ce que M. Bonaparte a supprimé. 8. Oui, cette tribune, M. Louis Bonaparte l'a renversée. Cette puissance, créée par nos grands enfantements révolutionnaires, il l'a brisée, broyée, écrasée, déchirée à la pointe des baïonnettes, foulée au pied des chevaux. Son oncle avait émis un aphorisme. Le trône, c'est une planche recouverte de velours. Lui a émis le sien. La tribune, c'est une planche recouverte d'une toile sur laquelle on lit « liberté, égalité, fraternité ». Il a jeté la planche et la toile, et la liberté, et l'égalité, et la fraternité, au feu d'un bivouac. Un éclat de rire des soldats, un peu de fumée, et tout a été dit. Est-ce vrai? Est-ce possible? Cela s'est-il passé ainsi? Une telle chose a-t-elle pu se voir? Mon Dieu, oui. C'est même fort simple. Pour couper la tête de Cicéron et clouer ses deux mains sur les rostres, il suffit d'une brute qui ait un couperet et d'une autre brute qui ait des clous et un marteau. La tribune était pour la France trois choses. Un moyen d'initiation extérieure, un procédé de gouvernement intérieur, une gloire. Louis Bonaparte a supprimé l'initiation. La France enseignait les peuples et les conquérait par l'amour. À quoi bon? Il a supprimé le mode de gouvernement. Le sien vaut mieux. Il a soufflé sur la gloire et l'a éteinte. De certains souffles ont cette propriété. Du reste, attenter à la tribune, c'est un crime de famille. Le premier Bonaparte l'avait déjà commis, mais du moins, ce qu'il avait apporté à la France pour remplacer cette gloire, c'était de la gloire, non de l'ignominie. Louis Bonaparte ne s'est pas contenté de renverser la tribune, il a voulu la ridiculiser. C'est un effort comme un autre. C'est bien le moins quand on ne peut pas dire deux mots de suite, quand on ne harangue que le cahier à la main, quand on est bègue de parole et d'intelligence, qu'on se moque un peu de Mirabeau. Le général Ratapoil dit au général Foy « Tais-toi, bavard !»« Qu'est-ce que c'est que ça, la tribune ?» s'écrie M. Bonaparte Louis. « C'est du parlementarisme !»« Que dites-vous de parlementarisme ?»« Parlementarisme me plaît. »« Parlementarisme est une perle. » Voilà le dictionnaire enrichi. Cet académicien de coup d'État fait des mots. Au fait, on n'est pas un barbare pour ne pas semer de temps en temps un barbarisme. Lui aussi est un semeur. Cela germe dans la cervelle des niais. L'oncle avait les idéologues, le neveu a les parlementaristes. Parlementarisme, messieurs, parlementarisme, mesdames. Cela répond à tout. Vous hasardez cette timide observation. Il est peut-être fâcheux qu'on ait ruiné tant de familles, déporté tant d'hommes, proscrit tant de citoyens, empli tant de civières, creusé tant de fosses, versé tant de sang. « Ah, ça !» réplique une grosse voix qui a l'accent hollandais. « Vous regrettez donc le parlementarisme ?»« Tirez-vous de là. Parlementarisme est une trouvaille. Je donne ma voix à M. Louis Bonaparte pour le premier fauteuil vacant à l'Institut. » Comment donc? Mais il faut encourager la néologie. Cet homme sort du charnier, cet homme sort de la morgue, cet homme a les mains fumantes comme un boucher, il se gratte l'oreille, sourit et invente des vocables comme Julie d'Angennes. Il marie l'esprit de l'hôtel de Rambouillet à l'odeur de Montfaucon. C'est rare. Nous voterons pour lui tous les deux, n'est-ce pas, monsieur de Montalembert? 9. Donc, le parlementarisme, c'est-à-dire la garantie des citoyens, la liberté de discussion, la liberté de la presse, la liberté individuelle, le contrôle de l'impôt, la clarté dans les recettes et dans les dépenses, la serrure de sûreté du coffre-fort public, le droit de savoir ce qu'on fait de votre argent, la solidité du crédit, la liberté de conscience, la liberté des cultes, le point d'appui de la propriété, le recours contre les confiscations et les spoliations, la sécurité de chacun, le contrepoids à l'arbitraire, la dignité de la nation, l'éclat de la France, les fortes mœurs des peuples libres, l'initiative publique, le mouvement, la vie. Tout cela n'est plus. Effacé, anéanti, disparu, évanoui. Et cette délivrance n'a coûté à la France que quelque chose comme 25 millions partagés entre 12 ou 15 sauveurs et 40 000 francs d'eau de vie par brigade. Vraiment, ce n'est pas cher. Ces messieurs du coup d'État ont fait la chose au rabais. Aujourd'hui, c'est fait. C'est parfait, c'est complet. L'herbe pousse au palais Bourbon, une forêt vierge commence à croître entre le pont de la Concorde et la place Bourgogne. On distingue dans la broussaille la guérite d'un factionnaire, le corps législatif épanche son urne dans les roseaux et coule au pied de cette guérite avec un doux murmure. Aujourd'hui, c'est terminé. Le grand œuvre est accompli et les résultats de la chose. Savez-vous bien que messieurs tels et tels ont gagné des maisons de ville et des maisons des champs rien que sur le chemin de fer de ceinture? Faites des affaires. Gobergez-vous, prenez du ventre, il n'est plus question d'être un grand peuple, d'être un puissant peuple, d'être une nation libre, d'être un foyer lumineux, la France n'y voit plus clair. Voilà un succès, la France vote Louis-Napoléon, porte Louis-Napoléon, engraisse Louis-Napoléon, contemple Louis-Napoléon, admire Louis-Napoléon et en demeure stupide. Le but de la civilisation est atteint. Aujourd'hui, plus de tapage, plus de vacarme, plus de parlage, de parlement et de parlementarisme. Le corps législatif, le Sénat, le Conseil d'État sont des bouches cousues. On n'a plus à craindre de lire un beau discours le matin en s'éveillant, c'en est fait de ce qui pensait, de ce qui méditait, de ce qui créait, de ce qui parlait, de ce qui brillait, de ce qui rayonnait dans ce grand peuple. Soyez fiers, Français. Levez la tête, Français. Vous n'êtes plus rien. Et cet homme est tout. Il tient dans sa main votre intelligence comme un enfant tient un oiseau. Le jour où il lui plaira, il donnera le coup de pouce au génie de la France. Ce sera encore un vacarme de moins. En attendant, répétons-le en chœur, plus de parlementarisme, plus de tribunes. Au lieu de toutes ces grandes voix qui dialoguaient pour l'enseignement du monde, qui étaient l'une l'idée, l'autre le fait, l'autre le droit, l'autre la justice, l'autre la gloire, l'autre la foi, l'autre l'espérance, l'autre la science, l'autre le génie, qui instruisait, qui charmait, qui rassurait, qui consolait, qui encourageait, qui fécondait. Au lieu de toutes ces voix sublimes, qu'est-ce qu'on entend dans cette nuit noire qui couvre la France? Le bruit d'un éperon qui sonne et d'un sabre qui traîne sur le pavé. « Alléluia !» dit M. Cibourg. « Hosanna !» répond M. Parisi.